Sortie culturelle. CKRL vous présente La vie en BD en mode sortie culturelle, en direct du Centre des congrès, dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition où La vie en BD se met en mode sortie culturelle et on est ici en direct du Centre des congrès de Québec. Donc, pour une première de deux émissions spéciales où on va s'intéresser en marge du 32e Festival Québec BD et également, je pense que c'est incontournable, en marge du Salon international du Livre de Québec à différents invités, différentes personnes qui sont présents ici à Québec à l'occasion justement du Festival Québec BD. Et cet après-midi, j'allais dire ce soir, puisque habituellement La vie en BD est diffusée les vendredis soirs à 17h30. Alors là, faut que je m'adapte à la notion de l'après-midi. Mais donc Raymond Poirier au micro d'ailleurs avec vous jusqu'à 14h30. Et aujourd'hui, on va aller explorer différentes thématiques par le biais de la bande dessinée. En dernier tiers d'émission, on aura le plaisir d'avoir Pierre Allary avec nous pour parler de retour à Killisberg, où on va s'intéresser justement à l'Irlande du Nord et à des situations humaines qui découlent de conflits géopolitiques. En deuxième tiers, on aura avec nous Émilie Plateau qui nous entraînera à travers la vie de Claudette Calvin, donc dans son livre Noir. Donc Claudette Calvin qui a précédé de 9 mois Rosa Parks dans la lutte civique, un personnage oublié de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, qui est réhabilité à travers cette BD, à travers un livre de laquelle la BD s'en inspire. Alors on ira lorgner vers ces thématiques. Et pour ouvrir l'émission, eh bien, on va plonger de pied en pied. On est vraiment dans des sujets à consonance géopolitique aujourd'hui. Alors, on va aller lorgner du côté du conflit israélo-palestinien. Vous n'êtes pas sans savoir, je crois. Donc, une belle collection du côté du Lombard qui s'appelle la Petite Bédéthèque des Savoirs, qui en déjà a plusieurs publications sur une variété de sujets quand même assez imposantes et ben, des sujets nécessaires qui sont abordés par le biais de la BD. Et entre autres, c'est le cas du tome 18 de cette série avec le conflit israélo-palestinien. Et on profite justement de la présence à Québec d'Abdel de Bruxelles pour plonger dans ce petit livre extrêmement dense, extrêmement riche et, je le répète, nécessaire. Abdel de Bruxelles, bon après-midi. Bonjour, merci pour votre accueil. Ça fait plaisir. Et ton ouvrage, je le mentionnais, qui a circulé le plus ici, c'est sans conteste tome 18, donc de la Petite Bédéthèque des Savoirs. Et j'imagine en fait que ça a dû être un beau et un gros défi, à la fois pour vous et pour votre scénariste Vladimir Grigoriev, de synthétiser, d'expliquer, de vulgariser un conflit qui perdure en seulement 100 pages, et voire même un peu moins que 100 pages. Oui, tout à fait. En fait, c'est un livre de 86 pages exactement. Alors, c'est vrai que le défi était de taille, en fait, parce que, comme on le sait tous, c'est une question très complexe, très très complexe, qui cristallise énormément de problèmes. Ils sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, géopolitiques, surtout politiques, à la fois civilisationnels, à la fois religieux. Donc c'était quelque chose de très complexe, surtout que le but de la collection, vraiment, n'est pas de prendre parti pour un camp ou pour l'autre, mais vraiment d'essayer d'éclairer sur les tenants historiques, les événements qui ont conduit en fait à cette situation que l'on connaît aujourd'hui, qui perdure depuis presque 80 ans, ça fait 75 ans, comme on dit en Belgique, 75, et qui continue au fil du temps à générer des drames humains, d'un côté comme de l'autre, surtout malheureusement au quotidien du côté palestinien, parce que on sait bien que voilà, les conditions de vie en Palestine sont vraiment déplorables, mais aussi pour les gens qui vivent en Israël et qui pour beaucoup ne supportent plus de vivre depuis tant de temps dans une paranoïa permanente en fait, hein, et simplement les gens souvent, quand on discute avec les gens et qu'on sort des premiers a priori, des premières réactions émotionnelles, des premières réactions, souvent on en arrive dans la discussion plus loin à simplement le fait que ils ont envie de vivre en paix de part et d'autre. Et c'est souvent la politique, les enjeux politiques des grandes puissances qui font que malheureusement, ce conflit perdure. Et justement, on est face à un conflit, en fait, tu l'as dit, c'est des humains qui sont pris là-dedans, qui veulent au final vivre en paix. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de sensibilité autour de ça, qu'à la fois, ben, je parlais de nécessité tantôt, c'est nécessaire de prendre un recul pour comprendre les choses, les analyser, les vulgariser. Et en même temps, j'imagine que dans un conflit qui attire autant de sensibilité, de préoccupation, d'humanité, ça devient difficile aussi d'aller avec un point de vue qui est véritablement objectif et de réussir à rendre cette objectivité-là dans l'ouvrage. Ben, je pense que le point de vue objectif sur ce genre de questions n'existe pas. C'est pas possible, en fait, d'arriver à être objectif. C'est très difficile. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt d'essayer de se mettre à la place du voisin. Donc, d'essayer de comprendre vraiment les attentes, de comprendre les motivations, et de comprendre les raisons que chacun a de revendiquer sa position. À partir de ce moment-là, je pense que à partir de ce moment-là, seulement un vrai dialogue peut se mettre en place. Et ça ne veut pas dire accepter tout de l'autre, mais ça veut dire qu'à un moment donné, simplement faire les bons compromis qui sont nécessaires, en fait, pour que chacun puisse vivre de manière décente. Aujourd'hui, on en est loin, pas pour des raisons humaines, mais pour des raisons vraiment politiques, en fait. C'est ça, vraiment, ce qu'il faut vraiment retenir de ça, c'est que ce qui complexifie, ce qui rend ce conflit inextricable, c'est la politique. Voilà, les gens entre eux, je veux dire, n'importe quel être humain peut devant sa télé avoir un point de vue, ce qu'on veut, mais à partir du moment où vous mettez un être humain face à une situation dramatique, face à des gens qui meurent, face à des gens qui se déchirent, des enfants dans le besoin de nécessité, je pense qu'aucun être humain normalement constitué peut être en accord avec ça. Donc pour moi, vraiment, le véritable problème, il est politique, en fait. Et justement, l'idée d'aller avec cet ouvrage-là, de remonter aux origines du conflit, de l'expliquer, de le faire comprendre, ça nous permet justement d'avoir cette vision du conflit, de ramener le conflit à son essence politique, justement, à son essence géopolitique. Et en même temps, comment on aborde tout ça? Est-ce que, comment vous abordez le projet avec Vladimir Grigoriev pour réussir à faire sens un peu de tout ça, à trouver votre fil rouge aussi à l'intérieur de ça? Et à choisir, parce que je reviens à mes 86 planches, à choisir ce qu'on allait retenir et qui était nécessaire à la compréhension. Bon, alors, c'est une question primordiale, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, déjà, si je raconte la genèse du projet, quand on m'a proposé de travailler sur le conflit sur le palestinien, j'avoue que ma première réaction a été de décliner cette invitation. Alors, d'une part, j'étais flatté parce que qu'on me fasse confiance sur un tel enjeu, je me dis « waouh ». C'est quand même pas mal. Mais à côté de ça, je ne me sentais pas légitime, en fait, ou assez compétent pour pouvoir parler de ces questions-là. Alors, je m'en suis exprimé, si je peux dire ça comme ça, à mon éditeur, qui est David van der Meulen, qui est donc directeur artistique de la collection, et qui est un des fondateurs, et l'éditrice Nathalie van Kampenhout. Donc ce sont deux personnes, pourquoi j'en parle, parce qu'elles sont très importantes dans ma rencontre avec Vladimir et dans la structure du livre aussi. Bon, je reviens, lorsque j'ai refusé, David m'a dit, écoute, ce qu'on va faire, je vais te présenter Vladimir, vous voyez un peu, vous parlez ensemble au moins que vous ayez un petit contact, et puis on voit après. Bon, moi j'avoue que j'y suis allé par politesse en me disant, de toute façon ma décision est prise, et quand je suis tombé sur Vladimir, j'ai tout de suite compris que j'ai tout de suite compris qu'en fait j'avais affaire à quelqu'un déjà qui avait un regard hors du commun, je pense, qui était dans presque un côté philosophique. Un côté philosophique, tout à fait. Une vision vraiment intéressante et humaniste. Et du coup, j'ai senti que moi-même, je pouvais apprendre des choses. Donc c'est un projet que j'ai fait d'abord par autopédagogie. Effectivement, alors, comment est-ce qu'on a réussi à définir la matière? Il a fallu d'abord prendre contact avec la matière. Donc moi, je débarquais là-dedans. Donc pendant 3 mois, vraiment, une à deux fois par semaine, nous nous sommes vus avec Vladimir. Nous avions la chance d'habiter la même ville, Bruxelles, et nous avons devisé, vraiment. Il m'a expliqué, j'ai pu poser des questions, j'ai pu passer par les lieux communs, j'ai pu... Donc, tout simplement, tout doucement, eh bien, il m'a expliqué un petit peu les tenants, les aboutissants historiques, qui étaient importants, parce que, bon, on ne peut pas isoler ce conflit de tout un contexte. Et donc, ça devient nécessaire de donner des bases de compréhension parce que sans cette base-là, on ne peut pas s'attaquer au scénario. Exactement. Et surtout à la représentation. Mm-hmm. Parce que lui, n'étant pas scénariste, il a fallu qu'on trouve aussi un équilibre pour comment donc, prendre l'information, choisir les points qu'on allait aborder. Et ensuite, une fois qu'on avait ça, ce qui était vraiment complexe, nous avons décidé de faire un travail de mise en image avec un processus en ping-pong, en fait. Donc, je prenais la matière, je rentrais chez moi, je commençais à réfléchir à une mise en forme, je lui renvoyais, il me disait, oui, non, là, j'aime bien, là, je trouve que c'est trop caricatural. Des fois, c'est moi qui disais, oh, mais là, non, ça ne me va pas, il faudrait que... Et comme ça, en travaillant petit à petit, pas à pas, on a réussi à monter... On a réussi à créer un... Tu parlais de fil rouge, ben c'est vraiment ça. On a réussi à créer un fil rouge. Et une fois qu'on a commencé à avancer, à débroussailler, eh bien, on a structuré le livre après en fonction des éléments qu'on avait retenus de la mise en forme pour essayer de créer une cohérence graphique. Et pour lier le tout, effectivement, on a choisi de dessiner des parties qui se rapportaient plus à l'histoire. Donc des parties factuelles. C'est pour ça. Tu as dû noter la différence de graphisme. Un côté plus réaliste, un côté plus naïf, à défaut de meilleurs termes. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait une partie factuelle, en fait, basée sur des événements historiques qu'on a voulu différencier pour montrer clairement que ça, c'était la vision officielle, les effets officiels. Et la vision plus naïve, entre guillemets, c'était la vision subjective. Parce que nous avons choisi, si tu as pu le remarquer, nous avons choisi de faire dialoguer des gens, des fois un juif, un arabe, des fois deux juifs, des fois deux arabes. On a même, à un moment donné, fait dialoguer Ben Gurion et Yasser Arafat, Kofi Annan, donc qui était le Et ça devient nécessaire justement pour montrer que le fait historique, en fait, le fait réel amène des perspectives, amène des perceptions, amène... De ce fait-là, on découle des enjeux, dans le fond. Tout à fait, c'est exactement ça. Et qui ne peuvent être que subjectifs, en fait. C'est ça la difficulté, la difficulté en tout cas du dialogue humain, je veux dire, parce qu'il y a ça aussi, je veux dire... C'est comment est-ce que toi tu interprètes un événement X et comment l'autre interprète le même événement, et puis comment on interprète un événement Y, etc., etc. Et tout ça mis bout à bout, ça donne des choses très, très, très complexes, quoi. Dans un contexte synthétisé, évidemment, et c'est la force aussi de réussir à synthétiser la chose, à ramener l'information à l'essentiel, mais en gardant. Et je pense que justement, entre autres, l'exemple que tu donnes sur les codes graphiques le montre bien. Dans le fond, en trouvant des façons de rendre ça lisible, perceptible, compréhensible, pour qu'on ne se perde pas à l'intérieur de ça, et avec l'impression aussi qu'on aurait pris la même matière qu'on aurait mis en livre de type roman, de type prose, où on aurait perdu nécessairement peut-être cette lisibilité-là, cette clarté-là qui ressortait des choix de mise en page que vous avez fait. Bien sûr, parce que ça demande un effort. Ce sont des sujets qui demandent un véritable effort. On ne peut pas s'attaquer à ça. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sujet cristallise énormément de références historiques, politiques, et qu'on ne peut pas le comprendre si on isole, si on dit, ah tiens, je vais m'intéresser juste à la question religieuse, bon. Ou alors juste à la question territoriale. Bon, c'est pas assez, il faut vraiment creuser, c'est un ensemble de choses. En fait, c'est un ensemble de choses, à la limite un ensemble de fils rouges. Oui, tout à fait. On aurait pu aborder la question de plein de manières différentes, on pourrait faire 30 livres comme celui-là, en fait, sur ce sujet-là. C'est inépuisable. Il y a des écrivains qui font des volumes et des volumes et des volumes. Disons que chaque année, vous avez sur la question des milliers d'ouvrages qui sortent, mais qui n'apportent jamais de réponse, parce que la seule réponse possible, elle sera dans le temps. Ce sera une question qu'on traitera sur, je ne le souhaite pas, mais à mon avis, sur des... peut-être 200, 300 ans, je n'en sais rien. Et même la BD qui s'est intéressée à ces thématiques-là, de Joe Sacco à Guy Delisle, il y a eu une variété de points de vue aussi. Et encore là, on revient un peu à votre a priori de départ, à vous et à toi et à Vladimir Grigoriev. Donc l'idée d'objectivité, l'idée d'essayer de comprendre des subjectivités, en fait, d'expliquer des subjectivités. Allons-y plutôt comme ça. Et ça vient peut-être un peu distinguer justement d'autres démarches de type journalistique, mais qui vont explorer plus en profondeur un point de vue, ou des approches de témoignage qui vont porter encore là avec un regard unique, Donc, essayer de mettre de l'avant cette multiplicité de regards qui fait que ce conflit-là a atteint le degré de complexité qu'on lui connaît aujourd'hui. Bien sûr, mais je pense que toutes ces démarches sont complémentaires, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se nourrir de toutes ces démarches-là. Moi, quand j'ai travaillé sur le livre, évidemment, pour me mettre à niveau, au niveau du contenu, j'ai été voir énormément de documentaires, regarder des films. Et effectivement, j'ai essayé d'aller dans toutes les directions possibles et de combiner les sources. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt pro-israéliens, des gens qui sont plutôt pro-palestiniens, des gens qui sont pour la paix entre les peuples, des discours modérés, des discours plus radicaux. Tout ça est important parce que ça fait partie de la même. C'est ce qui fait la soupe, c'est ce qui fait le bouillon de culture de ce conflit. C'est pour ça qu'il est si difficile à... Mais moi, c'est pour ça. Un personnage comme Joe Sacco, par exemple, je trouve que son travail est vraiment intéressant. On peut trouver que c'est un travail qui est partisan, ça, évidemment. Mais il n'est pas partisan par Joe Sacco lui-même. Il est partisan par le fait qu'il a choisi d'aller interviewer des gens qui ont vécu des situations difficiles dans les territoires occupés. Donc, évidemment, ces gens, lorsqu'ils transmettent leurs histoires, parce que c'est souvent des gens qui ont vécu des déplacements, qui ont vécu des exactions, ben, effectivement, ça en fait un témoignage pro-palestinien, mais pas pro-palestinien parce qu'il veut l'être, simplement parce qu'on dit bah oui, ces gens-là souffrent, en fait. Le seul tort, je pense, de Joe Sacco, enfin, pas le seul tort, mais ce qu'on pourrait simplement lui reprocher, dire, mais écoute, ok, mais alors fais la même chose du côté israélien, on va voir aussi des gens, voilà. Mais je pense que toutes ces démarches sont complémentaires, voilà. Et tout ça dans le contexte aussi où, pour Adèle de Bruxelles, j'ai l'impression qu'on te découvre ici au Québec avec cet ouvrage-là à une étape où ta recherche scénaristique, ta recherche visuelle t'a amené vers une BD peut-être un peu plus documentaire, vers un autre style. Quand on regarde un peu, tu étais plus dans des ouvrages de fiction, dans des ouvrages humoristiques. Est-ce que j'ai raison de dire que tu prends un certain virage un peu ou que tu essaies de développer d'autres pans de ton approche? Oui, c'est ça. En fait, c'est pas forcément que je prenne un nouveau virage, c'est que, ou peut-être que oui, on peut dire ça, mais en fait, c'est simplement que disons qu'aujourd'hui, je m'affirme plus en tant qu'auteur de bande dessinée, ce qui n'a pas toujours été le cas parce que je suis aussi musicien, parce que j'ai fait d'autres choses, enfin voilà. Et effectivement, chaque ouvrage m'amène à creuser un peu plus ce que j'ai envie, en tout cas ce que j'ai plus envie de faire ou ce que j'ai envie de faire, mais en même temps, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire que... On ajoute des cordes, on en a. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je marche beaucoup à l'affect. Hein, donc, alors, ça peut être un tort, ça peut être un point fort, je n'en sais rien, mais en tout cas, je fonctionne comme ça. Et là, par exemple, je viens de terminer un album chez Fluide Glacial. Bon, ça n'a absolument rien à voir, mais la personne qui m'a proposé le projet avec qui le courant est passé, j'ai dit allons-y. Mon prochain projet, ce sera chez Dargo. Alors là, on revient à une bande dessinée. Ça parle de Matisse, donc de son passage au Maroc début du XXe siècle. Je travaille avec Fabien Groslot, scénario, qui est le scénariste de Au Dubon, Darwin. Donc, alors, enfin, un côté éclaté qui va rester, dans le fond. Bien sûr. Parce qu'il y a une recherche, justement, cet éclatement-là, à aller creuser, chercher, fouiller, plein de démarches, plein de styles, plein d'univers. Bien sûr. Mais par contre, effectivement, d'un point de vue graphique, là, par contre, je pense que graphiquement, ça s'affine. Il y a, au niveau de l'écriture graphique, j'ai besoin d'explorer plein de pistes. Et là, je commence à trouver des choses qui, je pense, vont rester, en fait. Même si ça évolue, parce que j'ai besoin de ça. Parce que faire un album de bande dessinée, ça prend déjà un an facilement. Donc, à un moment donné, lorsque on fait un album de BD, on choisit une manière d'aborder le récit qu'on va devoir garder tout du long. Lorsqu'on est dessus, ben, des fois, on se dit, arrivé à un certain moment, parce qu'on dessine à côté, on dit « Ah, c'est dommage, tiens, j'ai trouvé un truc, j'aurais bien utilisé cette technique-là ou cette manière-là de découper. » Et je pense que de projet en projet, ça permet de pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles façons de travailler qu'on découvre au fur et à mesure. Alors, et d'ici là, bien évidemment, on te découvre, redécouvre avec la petite bédétecte des savoirs, donc ce tome 18 sur le conflit israélo-palestinien et plusieurs autres façons qui s'en viennent, donc chez Philippe Glacial et Dargo, de découvrir et redécouvrir Abdel de Bruxelles. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil. Alors, on poursuit toujours ici sur les ondes du 89.1. Et on poursuit toujours ici la vie en BD qui s'est mise en mode sortie culturelle. On est en direct du Centre des congrès de Québec. Raymond Poirier à l'animation, Simon Roy à la technique. Ici avec ce brouhaha de gens, de curieux qui vont explorer, découvrir des livres dans cet immense lieu. Et ben nous, on est en mode découverte également et on va plonger maintenant dans l'univers du livre noir, donc la vie méconnue de Claudette Colvin, donc livre édité chez Dargaud, et on est en compagnie de son autrice, donc Émilie Plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, ben, dans Noir, vous êtes intéressé à Claudette Colvin, donc une adolescente noire vivant à Montgomery, en Alabama, dans les années 50, 9 mois avant l'événement qui allait rendre Rosa Parks connue. Après nous avoir offert un récit autobiographique et intime avec Moi non plus, qu'est-ce qui vous a amené vers cette figure méconnue de la lutte pour les droits civils aux États-Unis? Alors oui, comme vous le disiez, j'ai fait plusieurs bandes dessinées autobiographiques. Et après Moi non plus, qui est sorti chez Misma, j'ai fait une pause de bande dessinée parce que j'avais tout donné pour ce dernier livre. Et j'ai fait pas mal de commandes pour la presse jeunesse. J'ai aussi travaillé pour des maisons d'édition pour les enfants. Oh, vous avez beaucoup sorti sur Ozu, par exemple, et d'autres C'était chez Fleurus, oui, c'est ça, voilà. Bayard Presse. Et j'avais envie de travailler sur une bande dessinée qui n'était pas autobiographique. Et je voulais travailler en collaboration avec quelqu'un qui a écrit le scénario. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et c'est un ami qui est auteur de bande dessinée, qui s'appelle Gilles Rochier, qui est publié dans la première maison d'édition qui m'a publié aussi, qui s'appelle Six Pieds Sous Terre, qui connaissait donc Tania de Montaigne. Et il m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour adapter son roman. Donc j'ai lu son roman, j'ai eu un coup de cœur... non seulement pour l'histoire de Claudette Colvin qui est très très révoltante, mais aussi pour le style littéraire de Tania de Montaigne. Je l'ai rencontrée et ça s'est très bien passé. Elle m'a offert la possibilité et l'honneur d'adapter son roman. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la vie de Claudette Colvin. Et on mentionne le style de Tania de Montaigne. On pourrait parler d'un style qui va droit à l'essentiel, qui est très synthétique, en fait. Alors, pour préciser un peu, c'est moi qui ai aussi écrit le scénario. Donc, j'ai tout fait, dessin et scénario. Mais c'est vrai que j'ai ponctionné pas mal de parties de son roman parce que, oui, comme vous le dites, son style est très incisif, très percutant, il va droit au but. Et ça correspond aussi à mon style d'écriture à moi. Donc, c'était bien cette rencontre. Et peut-être, en fait, j'ai envie d'aborder d'abord, avant de tomber dans le sujet, peut-être la manière dont vous avez enrobé le sujet aussi en termes visuels, parce que pour moi, en fait, c'est déjà décontenançant un peu dans la structure du livre, où on est plus dans l'accumulation. J'ai l'impression d'être dans une narration plus horizontale que traditionnelle, un peu oui, à certains égards. Oui, alors, mon style de dessin, il est très épuré, il est très minimaliste, avec aussi des passages qui sont très, très détaillés. Les scènes de dialogue, elles sont souvent en intérieur avec vraiment un minimum de détails de décor. Donc c'est par exemple un canapé ou une table basse ou une table à manger. Et puis l'album est ponctué de scènes de paysages dans la ville de Montgomery ou dans le quartier de Colvin. Et j'aimais bien justement varier un petit peu. Les plans extérieurs et intérieurs pour mettre du rythme. Et c'est vrai que toute la bande dessinée est construite de manière frontale, avec sans fioritures, vraiment pour aller à l'essentiel. Et à l'essentiel dans les couleurs aussi, où c'est du noir, blanc, ocre. Et ça vous donne la possibilité, d'un point de vue narratif, de... En fait, je prends la séquence au départ, quand on rencontre Claudette Colvin. Elle est neutre, en fait. Dessinée juste ça, en noir oui. Et blanc. Et j'avais l'impression qu'elle prenait sa couleur, en fait, quand elle était confrontée avec d'autres, avec les Blancs, qui, eux, voyaient cette différence-là. Ils lui imposaient cette différence. Oui, c'est complètement ça. Parce qu'au début, j'avais pensé le livre en noir et blanc. Et puis, finalement, c'est imposé deux autres couleurs. Donc, ocre, orange et marron. Et c'est vrai qu'au début, je la dessine, voilà, et dans son quotidien, c'est une espèce de mini-biographie chronologique de sa vie. Et puis... Et puis donc, elle est neutre, vous avez raison, c'est comme ça que je le dis aussi, elle est neutre, elle n'est pas mise en couleur, elle est juste au trait noir. Et à partir du moment où elle est confrontée au regard des blancs, à leur violence, elle est mise en couleur. Et il y a comme ça plein de scènes différentes où elle est mise en couleur, donc en marron, pour appuyer encore plus la bêtise humaine, la stupidité de penser que quelqu'un est différent parce qu'il n'a pas la couleur des gens blancs. Et ça nous amène dans un contexte où l'approche minimaliste dont vous parliez en termes de visuel et le reste n'amenuise pas l'impact de la violence, de l'injustice qui est à l'intérieur de ça. Et même dans certains passages, je pense par exemple en fait les exactions du Ku Klux Klan ou une séquence en fait que vous nous offrez qui est en filigrane, qui est subtile, on traite sur fond noir avec des silhouettes, on vit la violence de manière intense sans la percevoir de manière photographique, si on peut dire. Oui, voilà, j'avais pas envie d'en rajouter des tonnes par rapport à la violence, parce que le propos est déjà assez, assez dur, assez intense, assez douloureux. Et donc, le livre est ponctué de scènes avec des silhouettes noires sur fond blanc, par exemple, quand Claudette est emmenée par la police en voiture en prison. Là, elle imagine le pire. Et puis pareil, comme vous disiez, pour la scène où il y a le Ku Klux Klan, voilà, j'avais pas envie d'alourdir encore plus le propos avec le dessin. Donc c'est pour ça qu'il y a des silhouettes et des scènes en blanc sur noir, voilà. Et ce qui fascine à travers tout ça, évidemment, des procédés, des processus, c'est un livre qui est au service de cette figure méconnue, Claudette Colvin. Essentiellement, en fait, elle n'a pas été choisie, entre guillemets. Donc, c'est Rosa. Elle a fait la même chose que Rosa Parks neuf mois avant. Mais pour diverses raisons, l'histoire et les mouvements sociaux de l'époque ont choisi Parks plutôt que Colvin pour porter devant les tribunaux la cause qu'ils souhaitaient défendre. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Claudette Colvin, en fait, c'est la première noire américaine à avoir refusé de céder sa place à une personne blanche dans un bus 9 mois avant Rosa Parks, et c'est la première à avoir plaidé non coupable pendant son procès. Avant ça, il y avait d'autres femmes en fait entre Rosa Parks et Claudette Colvin. Il y a deux autres femmes dont je parle un petit peu dans la bande dessinée qui ont aussi fait cet acte courageux de refuser de céder sa place à un blanc dans un bus. En fait, ce qui est différent entre Rosa Parks et Claudette Colvin, c'est que Claudette Colvin, elle était issue d'un milieu très pauvre, très précaire. Elle avait la peau très noire, très foncée, et donc c'était compliqué pour les gens de se projeter en elle, de trouver un symbole assez fort, assez représentatif, assez lisse finalement. Et donc Rosa Parks. Elle est plus claire de peau, elle était couturière, donc elle s'habillait bien, même si elle était issue d'un milieu modeste, elle avait plus de, comment dire, elle était plus bien sous tout rapport, et donc c'est aussi pour ça que c'est elle qu'on a retenu plutôt que Claudette Colvin. Et à travers ça, en fait aussi, on parle d'éléments qu'on retient. Ce qui m'a frappé, c'est la place des femmes aussi dans cette lutte pour les droits sociaux que vous mettez bien de l'avant, je trouve, et qu'on a eu aussi tendance peut-être à oublier ou à méconnaître. Oui, complètement. Mais en fait, il faut savoir qu'à Montgomery, à cette époque, il y avait énormément d'associations de femmes qui luttaient contre la ségrégation. Et Rosa Parks, ça faisait 20 ans qu'elle militait contre la ségrégation. Et il y a aussi une femme très engagée qui s'appelle Joan Gibson Robinson, qui elle est à la base du boycott. C'est elle qui a décidé un jour après l'action de Rosa Parks de lancer un boycott. Donc elle a imprimé des centaines de milliers de tracts et elle les a distribués le lendemain dans la communauté noire. Pour lancer le boycott. Et c'est elle aussi qui a réussi à trouver des voitures, des taxis qui étaient au même prix, au même tarif que les tickets de bus, pour que les Noirs puissent aller travailler en véhicule, en fait. Et donc voilà, c'est Moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, dans cette bande dessinée, c'est comment on peut... comment un mouvement historique, engagé politiquement, peut naître avec des personnes très fortes, donc des femmes, et comment elles ont été complètement mises sur le côté, évincées. Et c'est très révoltant, oui. C'est ça qui m'a beaucoup... touché dans cette histoire. Oui, mais enfin, c'est un peu de s'imaginer que tout ce mouvement civique-là majeur, en fait, parce que là ça paraît, c'est complètement absurde de dire que c'est un crime de ne pas céder la place, oui, à un blanc. Je veux dire, aujourd'hui, avec le recul, c'est complètement absurde. Mais à l'époque, dans le fond, de limiter le mouvement à l'action de Parks, au discours et à l'action de Martin Luther King, évidemment, c'est des figures marquantes, mais il y en a eu d'autres. Alors, oui, à la limite, c'est... Pour tout mouvement, il y a évidemment plein, exact, de gens qui sont dans l'ombre et qui agissent aussi à leur échelle dans donc le quotidien. Donc de nous faire prendre conscience, en fait, de l'ampleur, peut-être, en fait, de ce qui s'est passé au-delà de ces figures marquantes, oui, oui, d'aller, oui, d'aller creuser au-delà aussi. Voilà, il n'y a pas qu'un seul héros ou qu'une seule héroïne. Il y en a plein qu'on ne connaît pas, mais qui sont là et qui ont existé et qui sont battus. Et justement, côté travail, est-ce que ces éléments-là, bon, étaient déjà en partie dans Livre de Montaigne? Est-ce qu'on a rajouté un peu pour équilibre? Est-ce que comment s'est passé un peu votre appropriation, dans le fond, de ce sujet-là, si on peut dire, pour réussir à choisir les angles, les cadres, les façons par lesquelles vous le rendriez par le médium BD? Alors, dans le livre de Tania de Montaigne, elle parle de sa propre expérience face au racisme. Elle parle aussi de... En fait, elle parle beaucoup de faits historiques, évidemment, et je ne pouvais pas tout mettre dans la bande dessinée parce que moi, j'ai décidé de me focaliser vraiment sur Claudette Colvin et de suivre tout son parcours à cette époque. Et donc, si j'avais mis trop d'événements historiques, je pense que les gens qui auraient lu la bande dessinée se seraient perdus. Et encore une fois, elle aurait été noyée dans la masse, elle aurait été invisibilisée. Et c'est pas le but, puisque c'est aussi une espèce d'hommage à Claudette Colvin, cette bande dessinée. Et justement, d'ailleurs, je fais une parenthèse, parce que je pense la dernière image, la dernière séquence fait référence à une vidéo oui, qu'elle a faite. Dans le fond, elle vit toujours, Claudette Colvin. Tout à fait, oui, elle va avoir 80 ans cette année. Et elle a choisi, elle, de se distancer un peu de cet épisode-là. Elle a été recontactée il y a quelques années pour témoigner, et puis elle a écrit un livre là-dessus, mais maintenant elle veut plus du tout en entendre parler. D'ailleurs, Tania de Montaigne a essayé de la contacter, elle voulait la rencontrer, et c'était pas possible, donc voilà, ça s'est pas fait. Et à travers tout ça, dans le fond, peut-être deux éléments. Évidemment, vous étiez beaucoup, on l'a dit d'entrée de jeu, dans l'autobiographique. Donc c'est partie de votre expérience, de votre vécu. Donc comment est-ce que votre approche s'est transformé, évolué, a progressé dans cet autre contexte où justement vous étiez à la rencontre de l'autre ou à l'idée de transposer le récit de quelqu'un d'autre? Donc, c'était assez impressionnant au début parce que voilà, c'est quelqu'un qui est important dans l'histoire et oui, j'étais assez intimidée parce que j'avais pas envie de raconter n'importe quoi, j'avais pas envie de maltraiter le sujet ou de faire des contresens. Et donc je me suis beaucoup documentée, j'ai regardé des vidéos de Claudette Colvin sur YouTube. J'ai aussi regardé beaucoup de photos de l'époque, j'ai regardé des documentaires, des films sur la ségrégation. Et donc voilà, je me suis imprégnée... Mais pendant des semaines et des semaines, j'arrêtais pas de faire des recherches pour vraiment m'imprégner de l'ambiance, de la ville, des décors, des maisons, pour traiter au mieux le sujet. Et pour réussir, j'imagine, à saisir, c'est parce que, je mentionnais, c'est loin de nous aujourd'hui. Bon, c'est pas si loin en même temps non plus. C'est pas si loin, non. Parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, les cicatrices sont encore, bien présentes et... Toujours sur le point de réouvrir, enfin, oui, également. C'est ça aussi qui me paraît important, d'avoir fait cette bande dessinée, c'est que non seulement elle... alors évidemment c'est historique, mais il y a encore énormément de racisme aux États-Unis et partout dans le monde, mais aussi y a évidemment la part de sexisme qui est important dans cette bande dessinée, et c'est ces deux thématiques qui m'intéressaient beaucoup à traiter. Justement, donc pour ramener un peu, comme on disait, d'un côté cette figure-là, d'autre côté nous faire saisir un peu la nature des mouvements et la place des femmes qui... Voilà, c'est ça. Qui est un peu esquinté, fait justement par, éventuellement, qui est récupéré un peu par les hommes au fil de l'histoire. Oui, complètement. Il y a une scène où on voit Martin Luther King et Dick Nixon qui se disent, il serait peut-être temps que les femmes sont dans la rue, il serait peut-être temps qu'on se bouge aussi et qu'on fasse des choses. Et c'est comme ça que le mouvement est vraiment né, parce que tant qu'il n'y avait pas de leader noir religieux à la tête de ce mouvement, il n'aurait pas pu démarrer, parce que c'était une période, une époque très, très marquée par la religion. Et est-ce que ça a été, au-delà des vidéos et le reste, pour s'imprégner un peu justement de cet esprit d'époque et de faire, j'imagine, les bons choix graphiques, les bons choix visuels, les bons choix narratifs, à quel moment on se dit, OK, j'ai réussi à trouver la recette pour transposer ce que je désire transposer, ou la bonne chimie, la bonne alchimie même? Je crois que c'est à partir du moment où j'avais assez de matière, j'avais je sais pas combien de centaines de photos, voilà, j'avais besoin de vraiment m'imprégner de l'ambiance. Et donc à partir du moment où j'ai eu beaucoup de matière, j'ai commencé à dessiner, à faire des recherches de personnages. Donc c'était aussi assez compliqué, parce que finalement il y a une seule photo de Claudette Colvin qui est sur internet quand elle était adolescente. Il n'y en a vraiment pas d'autres, j'ai vraiment pas trouvé. Et après il y a des photos des autres gens, des autres protagonistes de la bande dessinée, mais c'est vrai qu'elle, il n'y en a qu'une. Et donc voilà, j'ai fait des recherches un petit peu de personnages, et puis je me suis très vite lancée dans la réalisation de la bande dessinée. Et maintenant, après Noir étant terminé, complété sur le marché, avec quoi on suit un livre comme celui-là? Est-ce qu'on retourne vers l'autobiographique? Est-ce qu'on va chercher d'autres éléments? Est-ce qu'on va chercher un sujet plus léger? Donc, avec quoi on suit un ouvrage comme ça? Quand j'ai travaillé sur cette bande dessinée, en parallèle, j'ai fait des fanzines autobiographiques. Donc c'est marrant, parce que j'en avais marre de faire de l'autobio, mais quand j'en faisais pas, j'avais envie d'en faire. Donc c'est assez contradictoire. Mais j'ai envie de continuer dans les deux veines, en fait, de faire de l'autobiographie engagée, et puis aussi de raconter peut-être la vie d'autres personnages. Mais toujours dans un souci de traiter de thématiques politiques engagées. Ça me paraît important à notre époque. Pour pouvoir contribuer à apporter sa pierre à la construction de nos sociétés. Donc. Oui, pour faire réfléchir aussi. Émilie Plateau, merci beaucoup. Merci. Et je rappelle le titre de l'album dont on parlait particulièrement, donc Noir, La vie méconnue de Claudette Colvin, c'est chez Dargaud. Alors on prend une courte pause, on revient tout de suite après avec notre dernier tiers d'émission. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigan, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mardi de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et en prestation au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Sortie culturelle, c'est le mardi de 17h30 à 19h30 à CKRL 89.1. Sortie culturelle. Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art. Record Store Day, on knock out! Le samedi 13 avril, dès 9h et jusqu'à 21h. Rabais, prestations, bouffe, exclusivité du Record Store Day, dont l'album d'Hubert Lenoir et de Tire le Coyote. On knock out! Prestations en journée, Juste Robert, The Blaze Voluto Collection et Fuck Tout. Record Store Day, on knock out! Aucune réservation. Présentez-vous tôt au 832 Saint-Joseph-Est. Détails sur la page Facebook du Knockout. Le resto est officiellement fermé. Yeah, je pense que ça mérite un verre. Quelqu'un a vu le couteau du boss? Une vie humaine est vraiment aussi fragile et éphémère que la rosée du matin. Tant qu'il est encore en vie, je ne peux pas partir avec toi. Achève cet homme. Tu es un homme. C'est pas un aussi grand travail que vous pouvez imaginer. Je suis dans les ténèbres maintenant. Le boss est certain d'avoir laissé son couteau ici, là. Personne l'a vu. Premier acte, en collaboration avec la Caisse Desjardins de Québec et la Tralée, présente Rachaumont, un théâtre d'objets du 14 avril au 7 mai, du dimanche au mardi à 18h au bar La Cuisine, 205 Saint-Vallier-Est. Pour information et réservation, premieracte.ca. Sortie culturelle. CKRL vous présente La vie en BD en mode sortie culturelle, en direct du Centre des congrès, dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Dernière ligne droite de cette édition en mode sortie culturelle de La vie en BD. On sera de retour demain, en fait, à 13h30, d'ailleurs, avec une autre série d'entretiens et d'échanges. Et pour l'instant, cette dernière ligne droite, on l'a fait en compagnie de Pierre Allary, qui est de passage à Québec pour le 32e Festival Québec BD, autour de cette adaptation d'un roman de Serge Chaladon, donc qui s'appelle Retour à Killisburg, du côté de Rue de Sèvres. Pierre Allary, bonjour. Bonjour. Alors, après avoir adapté Mon Traître, vous avez enchaîné avec une autre adaptation BD, en fait, la suite directe, donc Retour à Killisburg de Serge Chaladon. Pas facile, hein? On poursuit donc l'histoire de Tyrone Meehan. Peut-être d'emblée, en fait, j'ai l'impression qu'après avoir fait Mon Traître, il y avait un peu, presque une obligation morale de nous offrir l'autre point de vue ou de compléter le point de vue qu'on avait offert, même si, d'une certaine façon, le récit humain, lui, était quand même complet, en partie, aurait pu être complet aussi avec Mon Traître. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Enfin, de mon point de vue, l'intérêt de Mon Traître, c'était vraiment le rapport de ces deux hommes, cette amitié comme ça, ce rapport père-fils. Donc, j'avais traité le traître, en tout cas le Mon Traître, en un bloc. Et pour moi, c'était fini la réponse. La réponse à la question de l'album qui était, en fait, est-ce que tu m'aimes posé par le jeune français à ce père irlandais, avait sa réponse à la fin de l'album. Du coup, pour moi, la traîtrise était secondaire. Et après, c'est vrai qu'en parlant aux gens, les gens, eux, sont rentrés dans l'intrigue. Eux, la question première était, mais pourquoi il a trahi? Et du coup, je me suis attaqué au second bouquin. Alors, tant mieux pour Serge Chaladon, puisque pour lui, les deux livres sont indissociables. C'est vraiment, voilà, c'est deux points de vue de deux personnages sur une même vie. Donc voilà, je me suis attaqué au bouquin parce que j'étais dans la lancée et je savais que si je passais à autre chose à ce moment-là, c'était fini. Je ne reviendrais pas sur un truc comme ça. Donc voilà, donc on a en même temps répondu à la question pourquoi il a trahi, et en même temps on rentre un peu plus dans le personnage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'empathie pour ce personnage avec le retour à Killisburg. Et ici, je contextualise d'ailleurs, en fait, dans le premier, donc dans Mon Traître, c'est l'histoire d'un jeune Français qui tombe amoureux de l'Irlande et d'un personnage membre de l'IRA qu'il voit comme un père, jusqu'au jour où, 25 ans après, le Français découvre que ce dernier était un espion pour les Anglais. Donc, c'est la dégringolade, la réflexion d'un personnage trahi. Et Retour à Killisburg, c'est un travail non pas de deuil, mais un travail pour comprendre la trahison de son ami. C'est une sorte d'autobiographie du traître où c'est justement, entre guillemets, le traître qui va raconter sa vie de son enfant jusqu'à sa mort, les raisons de sa trahison. Exactement. Pour le roman, faut préciser que le roman est autobiographique. Donc ce jeune Français, c'est Serge Chaladon, qui lui était là-bas pour d'autres raisons, puisqu'il a été grand reporter à l'époque pour Libération, entre autres. Enfin, pour Libération à l'époque, puisqu'il a travaillé 30 ans, et c'est lui qui a couvert, entre autres, le conflit nord-irlandais. Donc voilà, et c'est une histoire qui lui tient profondément à cœur. Encore aujourd'hui, il en parle toujours avec des larmes dans les yeux, quoi. C'est vraiment parmi toutes les histoires qu'il a vécues, puisque Dieu sait qu'il a traversé des conflits et des choses dramatiques. Donc voilà, donc c'était vraiment quelque chose de très fort pour lui. Et il fallait qu'en écrivant Retour à Killisburg, il fallait, comme il a dit, c'était pas pour juger, mais pour comprendre, comme vous avez dit. Il fallait vraiment qu'il comprenne pourquoi son ami, de son vrai nom Denise Donaldson, avait trahi son pays, sa famille, ses amis. Et la grande question que lui se posait, c'est est-ce que son amitié aussi était trahie depuis le début, était fausse, quoi. Et donc on revient à la question dont on parlait tout à l'heure, qui j'imagine est peut-être un peu dans la relation, donc est-ce que tu m'aimes, jusqu'où le mensonge allait, et c'est ça, c'est le nœud humain de Mon Traître, et c'est un peu ce qui vous avait amené vers ce roman de Chaladon? Ah oui, complètement, moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé, c'était ça, quoi. Avant même le conflit nord-irlandais, je pense qu'on aurait pu, on en a parlé avec Serge, en effet, ça aurait pu être un autre fond serait bon. Alors, hein, le conflit donne un drame, amène le drame, mais ça aurait pu être la guerre d'Espagne, ça aurait pu être... Voilà, c'était pas tant le conflit nord-irlandais qui m'intéressait en premier, c'était vraiment ce rapport entre ces deux hommes. Et oui, c'est... parce qu'en plus, bon, l'écriture de Chalandon est fabuleuse, quoi. Il a des mots incroyables pour décrire des émotions, et je trouvais que c'était magnifique, ce type qui se demandait, mais est-ce que, en fait, depuis 25 ans que tu dis que t'es mon ami, est-ce que t'as été mon ami, toi, et ta femme, tes enfants? Et c'est touchant, parce qu'on voit aussi tous les dommages collatéraux que peut provoquer ben, une trahison comme ça, même involontaire. Oui. Et nécessairement, dans le deuxième, j'ai l'impression qu'on tombe un peu plus dans le géopolitique, parce que pour expliquer la traîtrise, il faut comprendre les manipulations, il faut comprendre pourquoi on en était là, comment ça s'est bâti, comment ça s'est construit, de naître dans un conflit, comment ça se passe aussi. Donc, il y a un côté géopolitique qui est peut-être un peu plus présent dans le second, qui est là aussi dans le premier, mais différemment. Si oui, exactement, oui. Dans le second, on est vraiment avec Tyrone Meehan. Antoine n'est plus là. D'ailleurs, c'est assez étonnant à la lecture du roman de voir le... quand Chalandon écrit le point de vue de son copain, il s'enlève. C'est comme si... Alors, on en a parlé, j'ai dit, mais c'est bizarre. Autant toi, dans ton histoire à toi, dans ton point de vue, il est toujours là, et dans le sien, t'es plus là. Et il m'a dit, mais je pense que c'était comme ça, quoi. Il dit, moi, pour moi, c'était une figure, voilà, vraiment le père. Mais pour lui, j'étais juste le petit Français qui venait de temps en temps. Il avait autre chose à faire que de s'occuper que de moi, quoi. Et c'est terrible aussi. Et de fait... Voilà, on est vraiment dans l'histoire de l'Irlande, dans l'histoire du conflit, dans l'histoire de cet homme qui est quand même un leader, qui a été un meneur, un héros pour le combat, et qui du jour au lendemain se retrouve piégé, parce qu'il est piégé, et doit trahir, quoi. Et ce qui est touchant, c'est tout ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire de se dire, il se persuade jusqu'à la fin qu'il trahit, que sa trahison va aider à la paix. Et de fait, c'est aussi pour ça que j'ai aménagé les chapitres, pour amener ce chapitre final qui explique que même s'il a pensé qu'il pourrait trahir sans dommages collatéraux, ben, il y en a toujours, malheureusement. Oui, et ça devient, dans le fond, d'ailleurs, l'album donne un peu de structure. J'avais presque envie de dire un crescendo psychologique pour en arriver à cet ultime épisode. Il y a une belle montée dramatique. Il faut trouver justement la manière de bien l'amener dans le ton, dans la structure, dans les chapitres, ouais. Avec des fades to black d'ailleurs à la fin de. Des fades to white, ouais, en fait, to à la white. Fin de chaque chapitre. Donc ça a dû être un beau défi de réussir à trouver l'angle et de structurer ce fil rouge-là qu'on choisissait de mettre en exergue. Ah oui, c'était l'intérêt d'adapter, puisque je voulais pas toucher aux mots de Chalandon. Alors j'en ai enlevé, évidemment, j'ai coupé, j'ai aménagé, mais les mots sont les mots de Chalandon. Il était hors de question de réécrire son livre, puisque c'est ce qui m'a motivé à l'adapter. Mais par contre, en effet, il fallait trouver une structure bande dessinée, un rythme, quelque chose qui nous emmène, et en même temps qui permette au lecteur de vraiment rentrer dans le récit, d'où l'idée d'enlever tout ce qui peut attirer le regard, éviter les dessins, beaux dessins entre guillemets, enlever les cadres, on plonge dans l'histoire, quoi, vraiment, et adoucir aussi la lecture, parce que c'est un gros bouquin, il y a énormément de récitatifs, donc je voulais pas que ça soit lourd à lire, c'est pour ça que j'ai enlevé les cadres de cases, je voulais alléger au maximum la forme pour qu'on puisse vraiment rentrer dans le livre, quoi. Et je trouvais que pour un dessinateur, entre autres, et scénariste, ça prend une grande humilité de dire, dans le fond, on va mettre le côté visuel en retrait, si on peut dire. Oui, mais voilà, c'est ça, là, pour le coup, c'est pour ça que j'ai assez content et heureux d'avoir réussi ces deux bouquins, hein, de les avoir faits déjà, et puis d'avoir des retours vraiment positifs, parce que c'était l'idée de raconter une histoire avant tout, quoi. Moi, je me suis mis en zone d'inconfort complète, c'est-à-dire que j'ai dessiné des choses que je m'étais promis de jamais dessiner, le contemporain, les voitures, enfin, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas du tout. Mais voilà, là, c'était, je voulais vraiment raconter ce récit, cette histoire d'humain, et de fait, voilà, j'ai complètement oublié mon dessin, pareil pour les couleurs, pareil pour tout, je voulais vraiment juste être dans l'histoire, dans l'émotion. Et le fait d'avoir mis le dessin en retrait nous permet effectivement d'entrer dans l'émotion. En fait, il n'y a pas d'effet distrayant. En fait, on y va avec presque une monochromie. Chaque chapitre est basé sur une couleur. On va du vert à l'ocre, carmin, gris. Donc, c'est effectivement l'aspect immersif qui ressort et qui est surprenant justement par ses choix d'économie. Oui, exactement. Je voulais qu'il y ait une cohérence, qu'on soit vraiment dans l'émotion de bout en bout au niveau du dessin, de la couleur, qu'on soit dans la tête des personnages. Donc pour moi, la couleur devait refléter vraiment les sensations des hommes qui traverse cette histoire, quoi. Et évidemment, il n'y a pas vraiment de soleil, quoi, dans cette histoire. Et quand on gratte un peu, parce que j'essayais de me mettre un peu dans votre peau, et je me disais, je regardais un peu ce que vous faisiez d'autre, et ce que j'ai vu passer d'autre de vous. Vous étiez plus dans la BD d'action. Ah, là. Oui, d'habitude, oui, moi je m'amuse, j'adore ça. Pour moi, la BD, c'est, j'avais fait, pas un choix, mais je me dis, moi je veux faire de la BD comme je ferais Indiana Jones au cinéma, quoi. Sortir un petit peu justement du quotidien, de l'aventure, des dessins, des positions en mouvement, enfin voilà. Mais voilà, là j'ai été le premier surpris de vouloir absolument faire ce bouquin. Mais il y a eu un tel coup de cœur à la lecture, je me suis dit, mais enfin je vais pouvoir raconter vraiment une histoire d'humain. Et dans un contexte comme ça, où j'imagine en termes de style, en termes d'approche, ben faut se réinventer, faut lutter contre ses instincts. Et finalement, on se rend compte, quand on essaie de saisir peut-être un peu les processus, on en parle brièvement là, mais que c'est pas simple de faire simple, en fait, de se mettre en retrait, de faire des choix minimaux, c'est pas facile, et c'est un jeu d'équilibriste, parce que si on pousse trop le minimum, ça marche pas, on réussit pas l'immersion, on réussit pas l'émotif, donc c'est trouver la mince ligne rouge. Ah, complètement, oui, parce que là, de fait, je passais vraiment d'un dessin assez dynamique à juste des types assis à table en train de se regarder dans les yeux pendant 300 pages. Mais là encore, j'étais vraiment dans l'objectif de raconter cette histoire et à aucun moment je me suis senti essoufflé. C'est curieux, c'est assez curieux d'ailleurs, l'espèce de, je suis tombé en amour avec cette histoire et il y a eu de A à Z sur les 300 pages, je me suis vraiment plu en fait à raconter et à dessiner des types assis, même si ça m'emmerdait. Mais voilà, je savais que j'étais dans mon récit, quoi. Parce qu'au cœur de tout ça, on parlait d'émotion. En fait, à la limite, c'est vraiment l'humanité des personnages qu'il faut restituer dans leur courage comme dans leur bassesse. Mais il faut créer des personnages qui sont charismatiques dans leur manière de vivre, de raconter ou dans leur manière d'être lu. Ouais. Mais là, encore une fois, j'espérais que le texte de Chalandon était suffisamment bien écrit pour qu'on soit jamais dans la lassitude, qu'on soit jamais embêté, qu'on soit jamais dans la mièvrerie de ce genre de situation. On pourrait très bien tomber sur des trucs très mièvres, être pénible, être larmoyant, mais ses livres sont tellement forts que je comptais vraiment sur le texte pour sortir des moments difficiles, comme dirait Candy, et avoir un truc qui entraînerait les gens. Je sais que les gens, j'imagine pas les gens ne pas aimer ce texte, en fait, c'est un peu ça le truc, quoi. Et avec tout ça, évidemment, on termine Mon Traître, qui a déjà un bon 150 pages. On prend la pause et quand on décide qu'il faut s'y remettre pour les raisons qu'on a évoquées en début d'entretien et qu'on va s'y remettre pour un autre 150 pages, est-ce que la deuxième plongée est similaire à la première ou ça fait un peu... En fait, on remonte pas à la surface là, on continue plutôt. C'est-à-dire que j'ai vraiment continué sur ma lancée et surtout pas s'arrêter parce que justement, comme tu dis, si je m'arrête, je replonge plus là. Donc ça a été vraiment 2 ans, 300 pages en 2 ans. Donc comme je dis en rigolant, c'est un bon plan pour un éditeur quand même. Parce que là, c'est 300 pages couleur, scénario compris en 2 ans, c'est pas mal. Et voilà, il fallait vraiment que ça soit d'un bloc, comme l'histoire d'ailleurs. Il fallait vraiment que tout soit d'un bloc. Et voilà, comme ça maintenant, j'ai fini, je peux passer à autre chose. Et je pense que tout est dit, en tout cas, et sur cette histoire. Et j'espère avoir mis des choses à moi. Je me dis que le fait d'avoir voulu adapter ce livre... Il y avait peut-être des choses que je voulais faire passer aussi en termes d'émotions, de mots. En fait, de retrouver l'essence de ce qui vous a touché, puis pourquoi, dans le fond, cette histoire-là était venue vous chercher autant que ça. T'as dit, Pierre Allary, dans le fond, je tombe en amour avec ce récit-là, mais pourquoi? Et justement, je ne saurais pas l'expliquer, c'est ça. C'est juste, il y a eu quelque chose de fort, mais je trouve qu'il a, il parlait de... C'est la façon dont il parle de l'homme, en fait, vraiment de l'humain, quoi. Et je trouve qu'il le fait tellement bien. Et c'est tellement dur d'arriver à parler de certaines, d'écrire, de mettre des mots sur certaines émotions. Lui, il l'a fait tellement bien que voilà, j'ai voulu en fait lui piquer ses mots et que les gens pensent que c'était les miens. et leur ajouter cet élément visuel-là, d'amener un peu dans un cadre, parce que dans le fond, l'autre élément de l'adaptation, c'est de se dire aussi, ben dans le fond, pourquoi je la passe en BD, pourquoi je l'amène vers la BD. Il ne faut pas le faire pour le faire non plus, donc il faut trouver son angle, son approche, ce qu'on peut apporter à ce récit-là. Alors ça, c'est le côté casse-gueule, mais c'est le côté qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que ça, on n'en saura rien jusqu'à ce qu'on ait terminé. Et là, je suis assez content, oui, content des retours, c'est-à-dire que sur le premier, Mon Traître, je m'attendais à des retours, surtout des lecteurs de Chalandon, parce qu'il a, voilà, il a une grosse fanbase, comme on dit, et ils aiment les mots. Et du coup, je voulais vraiment, j'attendais vraiment le retour de ces lecteurs. Et tous ceux que j'ai rencontrés m'ont, voilà, étaient vraiment retrouvés, non seulement retrouvés le bouquin, mais n'avaient pas l'impression que j'avais simplement faire du copier-coller des mots de Chalandon. Alors que moi, c'est un peu ce qui me faisait peur, comme j'avais décidé de garder vraiment ces mots. Je m'étais dit, pourvu que les gens ne se disent pas, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste illustré les pages, quoi. Et non, en fait, les gens m'ont dit qu'il y avait vraiment, ça se complétait. C'était vraiment la même émotion, mais racontée différemment. Et là, je me suis dit, enfin voilà, j'étais vraiment content parce que c'était un peu l'idée. Et puis ça m'a aussi me rassuré dans le fait que je me suis pas lancé là-dedans par hasard. Ça me confortait dans l'idée qu'il y avait eu quelque chose qui m'avait touché quand même quelque part et que j'allais pas dans le mur, quoi. Et alors, c'est un peu ce qui m'a motivé à faire le deuxième. Et maintenant que donc le diptyque est complété, que le 300 pages est fait, est-ce que on replonge à quelque chose de similaire ou on retourne un peu à ce qu'on faisait avant? On va retourner à ce qu'on faisait un peu avant, justement, ouais. Mais est-ce qu'on peut le faire de la même façon avec ces deux années d'expérience là? Oui. Oui. Oui. Alors bon, là le prochain, je vais a priori le faire tout seul aussi à la demande de l'éditeur, mais. C'est pas parce que voilà, je vais pas du jour au lendemain devenir auteur complet, quoi. Je pense que dès que j'ai l'occasion de rebosser avec un scénariste, je vais le faire. Et non, là, c'était juste une belle aventure. Et puis je suis aussi très content parce que c'est aussi un prétexte pour rencontrer Chalandon, qui est quand même un mec incroyable et qui a une carrière juste incroyable, quoi. Et c'était vraiment une belle aventure. Et on peut la vivre, nous aussi, cette aventure que vous nous proposez, que vous nous partagez, donc cette adaptation de ces deux livres de Serge Chalandon. Alors, je rappelle donc « Mon traître » et « Retour à Killisberg », donc les versions BD de Pierre Allary sont disponibles chez Rue de Sèvres. Pierre Allary, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on va terminer cette première édition de ce Sortie culturelle où La vie en BD se mettait en mode 32e Festival Québec BD ici. En direct du Centre des congrès de Québec. Un grand merci à Simon Roy à la technique, à Mélanie Fleurant au relais en studio. C'est Raymond Poirier avec vous et je vous dis à demain dès 13h30, même lieu et même heure. La vie en BD, en mode sortie culturelle, vous a été présentée en direct du Centre des congrès, dans le cadre du Salon international du Livre de Québec.